Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sans pleurs et sans reproches. Allez, c'est parti pour deux heures de musique assez spéciale, originale et surtout authentique. Et oui, comme déjà annoncé sur les réseaux sociaux, et on remercie d'ailleurs Samuel Cuvelier qui nous fait une promo d'enfer toutes les semaines. Ça nous fait vraiment plaisir, on le salue. Et comme il le dit si bien, oui, on a 31 ans de service derrière nous. On en est très fiers et on est ultra motivé pour continuer. J'espère en faire autant. Bon, ça, on n'aura plus de dents, je crois. C'est pas grave, on aura encore des oreilles. Ouais, c'est ça vrai, l'essentiel. Tu as raison de remercier Samuel Cuvelier qui est admin le Fun Galaxy Radio sur Facebook. Ouais, donc on commence très fort cette émission avec le rituel album de la semaine, une sélection. Ah oui, et c'est toi qui l'as faite cette semaine. Hein. Je suis à genoux quand... Comment je peux expliquer? Je suis à genoux quand la constellation Bill Leb et Rhys Fulber sortent quelque chose. Là, ils se sont réunis autour d'un Noise Unit. C'est la première fois. Cet album s'appelle Deviator. Ça sort chez Artifact Records. C'est aussi bon qu'espéré. Enfin, je suis à genoux. Merci, messieurs. J'ai écouté le morceau Initiate. Oui, c'est vrai que ils sont excellents, tout bonnement, et ils continuent à être excellents. Ah ouais. Et pourtant, le père Bill Leb, il a plus que 60 ans. Ouais, donc, c'est ça, on a encore de beaux jours devant nous. Eh bien, écoute, on aura l'occasion, j'espère, de le voir en concert, puisqu'ils font une tournée en commun avec Die Krupps, il me semble. Ouais. Et on retrouve aussi un de tes coups de cœur de la semaine dernière. On va enchaîner avec la sélection de lundi dernier, c'était Jan Wagner, l'album Couleur Chaos, qui était à l'honneur. Et oui, un album très sentimental, mais un sentimental... baigné dans l'alcool, et on oublie souvent le cœur croisé, cœur fané. Des aventures qui sont contées dans ces chansons. Moi, je trouve l'album génial. Il est chanté en français, excepté un titre, et je vous passerai peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être dans le best-of. On va redécouvrir cet album Couleur Chaos, Jan Wagner. On enchaînera avec un autre groupe qui s'appelle Temple. Ce sera trois groupes français ce soir, également signé sur le label Yotanka, tout comme le nouveau Jan Wagner. Et on terminera avec une découverte faite la semaine dernière dans l'émission. C'est le groupe Allows Have. Salut, c'est Jan Wagner, vous écoutez Sans pleurs et sans reproches sur Galaxy Radio. J'avais un peu réduit dans la question. À l'intention de la personne disparue. À nos amours, à notre amour refoulé. À nos camarades tombés. Il faut que je dise ces choses que tu veux que je te dise, puis faire comme si je t'avais rien dit. La situation est une gosse. Échelle de Richter, lutte des classes. Échange de devises avec toi, trafic de malentendus. Des années m'alourdies. La vérité réside dans la boisson. À la santé de nos propos ambigus. Condamné à nos visages écorchés. Il faut que je te dise. We sail to all the morning stars. Voilà une série de groupes d'artistes français. Tout d'abord, Yann Wagner et le titre de rappel, sélection de la semaine dernière, le fabuleux album Couleur Chaos, paru chez Yotanka Music. Et le titre Fait comme si. Après, toujours sur le même label, Yotanka est sorti également cette année, envoyé par l'équipe d'HM Media en promo, le groupe bordelais Temple, qui propose également un album intéressant, très pop, très varié également, ça s'appelle Glory. On s'est écouté le titre Beauty. Pour terminer cette séquence, toujours en France, découvert la semaine dernière, c'est le projet Allows Have. Il sort un EP CD et digital sur Anesthetiz Productions. Ce EP s'appelle Pitch Black Heaven et est franchement très intéressant. Musique électro-dark, parfois teintée de rock industriel, parfois de gothique. C'est très bien fichu et on s'est écouté extrait de ce EP, le titre Pharos. On poursuit l'émission avec une séquence de Walter. Ah oui, je vais présenter la compilation Electro Aggressor Volume 1 de chez Insider Record. C'est le label de Peter Verkotteren de Propatria, décidément. Il est présent d'ailleurs sur cette compile avec le morceau Razor Blade, aux côtés des poteaux de Wolf 7. Sur Electro Aggressor Volume 1, il y a 44 groupes très différents les uns des autres. Et parmi ceux qui ont attiré mes oreilles, il y a Reality Despair, Blue Tractor, Hypermond. Mais il y a aussi du Pouet-Pouet, du Arch Electro et plein de petits groupes totalement inconnus. Et le morceau le plus EBM étant celui de Nova State Machine. Ce sont des Australiens très efficaces si le reste de leur discographie est identique. Ce sera le morceau Vertical, je ne sais pas dire le reste parce que c'est un petit peu phonétique. On continuera avec un groupe de chez Cop International. Pour un petit retour ensuite avec Stendek sur l'album Carnage. Thousand eyes. Yeah. C'était Nova State Machine avec Vertical Mix. Je ne sais pas le dire autrement. De la compilation Electro Aggressor Volume 1 de chez Insane Records. Ensuite, une autre compilation, c'est une série que le label Cop International lance. Cette série de compil s'appelle Broken Hearts and Robots. Là, c'est la deuxième du nom. Alors, c'est une petite compil, hein, cinq groupes. Et une compil totalement libre sur laquelle figurent Stone Burner, Jive 6, Silver Walk Sick Jones et Iatoya. C'est un projet féminin de Chicago que j'ai sélectionné pour ce soir avec le morceau Death Skiss. Pour finir, mes poils des avant-bras se hérissent à l'écoute de ce morceau de Stand Deck. C'était Somewhere Nobody Knows de l'album Carnage. Ça sort chez Hyman Records. Je vais résumer cet opus de Stand Deck par un seul mot, magnifique. Je vous invite à vous plonger dans ces atmosphères terribles créées par Alessandro Zampieri. C'est vraiment, vraiment un must. Et frissonnant, apparemment. Ah ouais, je suis fan. Enfin, d'ailleurs, le morceau a fait l'objet d'un maxi que je dois encore vous présenter d'ailleurs. Écoute, tu peux prendre le relais, cher Greg. Allez, j'enchaîne avec le nouvel album des Scandinaves de Crackdown. Kim Holm et Lasse Manstad qui forment ce duo synth-pop plutôt dark. Ils sont basés à Aarhus au Danemark et viennent de concrétiser leur rêve, c'est-à-dire un premier album, on va dire même un deuxième album, une autoproduction qui regroupe pas mal de singles qu'on a pu déjà vous présenter durant les derniers mois, dernières années, dans l'émission. Et là, en fait, c'est un aboutissement. L'album est absolument génial, extrêmement dark, presque inspiré de la bonne électro-industrielle canadienne. On retrouve beaucoup de Skinny Puppy à l'intérieur, je trouve. Et ça me plaît énormément. Nouvel extrait de leur album Worn Out Alphabet, qui veut dire un ancien alphabet ou alphabet usé. Ce sera le titre Magazine. Ensuite, ce sera le groupe Vanguard. Il s'agit d'un duo également scandinave. Ils viennent de faire paraître sur Infected Recordings une série de singles digitaux. Et là, c'est le dernier paru, ça s'appelle Inside. Tout ça en vue, bien sûr, d'un album toujours chez Infected Recordings. C'est un EP digital de titres, mais je n'ai pas choisi l'original. Il est pourtant très très sympa. Mais j'ai adoré le remix fait par leur pote de SITD. Ça défonce pas mal. On terminera cette séquence avec un des plus vendeurs artistes du label allemand Out of Line. C'est Blue Tangle avec No Religion, qu'on extraira de son nouvel album. Voilà, le programme Crackdown Vanguard Blue Tangle. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça rapproche. You can't convince me that shape of your spirit. protective warm. I don't need it now. You better leave, 'cause I can't be the one you put your faith in. Chris from Blue Jangle, and you are listening to a brand new song from a new album, Illusion, The Victory of Light. ancient lord of darkness. Pray, pray, pray to the one who gives us light. Lies, lies, lies, it's all that I can spread. Lies, lies, lies, bombs, demons in my head. You don't need them. They only try to poison your soul. Démarrer les Scandinaves de Crackdown avec l'album One Out Alphabet. C'est extrait de celui-ci, le titre Magazine. Savoir qu'il y a 9 titres présents sur cet album digital, tout à fait autoproduit et disponible sur leur propre bandcamp du groupe. Attention, 9 titres et 9 réussites purement électro-industrielles, teintées de synth-pop. Après Crackdown, c'était les deux Suédois de Vanguard avec Jonas Olofsson et Patrick Hansson. Après avoir produit pas mal de productions, notamment chez Kanzum Records, ils atterrissent en 2016 chez Infected Recordings et ils ne font que sortir une ribambelle de singles digitaux et 2 albums qui nous intéressent. C'est l'inédit qui s'appelle Inside. Et on s'est écouté Extrait de ce deux titres, la version remixée par le groupe SITD. Une tuerie. Pour terminer, c'était donc Blue Tangle. Formation très connue, hein, créée par Chris Paul. Vous connaissez ses divers projets parallèles. Il y en a une tonne d'ailleurs, notamment Zealand Crank, pour ne citer que celui-là, Terminal Choice. Chris Paul a produit énormément de productions sous de différents noms ces derniers mois, ces deux dernières années même. On en a eu dans tous les goûts, hein, soit gothique, soit new wave, en fait, qui est pioché dans tout. Et sur cet album de Blue Tangle, finalement, il regroupe un petit peu toutes ses influences. Un album extrêmement varié, hein, ça part du pur gothique à la new wave, ou avec des choses plus synth-pop plutôt sympas, notamment avec ce titre No Religion, et ce nouvel album, plus ou moins conseillé, hein. Je suis pas un aficionados de Blue Tangle, mais bon, en tout cas, voilà. Ça s'appelle The Victory of Light, et c'est paru il y a pas très longtemps chez Out of Line. À chacun de faire son avis. On va retrouver la sélection de la semaine, Walter. Eh oui, c'est toujours un événement quand Bill Leb et Rhys Felber se réunissent autour d'un album. Vous savez que je suis fan hardcore de leur musique. Ils ne se sont pas installés dans un album de Frontline Assembly, mais ont pris le chemin de Noise Unit. C'est un projet initié entre Bill Leb et Mark Verhagen de The Clinic. Les deux premiers albums de Noise Unit, Grinding Into Emptiness et Response Frequency, sont franchement des chefs-d'œuvre. Puis Mark Verhagen est parti, Bill Leb s'est retrouvé plus ou moins seul aux commandes, et le succès n'était pas toujours au rendez-vous, faut être honnête. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la musique futuriste de Bill Leb a-t-elle toujours été comprise? Surtout sur l'album Drill, paru en 96 sur Offbeat, et pareil pour l'album Voyeur, sorti en 2005 sur Metropolis. Bref, 16 années plus tard, Bill Leb a compris qu'il lui fallait son comparse sur Noise Unit. Il a appelé Rhys Felber, et certes l'album sonne très Frontline Assembly, mais il y a une petite touche de fantaisie en plus. Moins de tubes, même si Body Active est basiquement dévastateur. Noise Unit est plus atmosphérique que Frontline, et il est impératif d'écouter attentivement Deviator, c'est vraiment un album génial, je vous le recommande. Petite cerise sur le gâteau, il y a un petit featuring avec leur pote Raymond Watts de Pig. On s'est écouté le morceau Initiate, en ouverture d'émission, et là on s'écoute le morceau Recognize. Galaxy. Of a dream I had before. We were Activation. Noise Unit et le morceau Recognize de l'album Deviator, c'est notre sélection de la semaine pour ce lundi. Et ça sort chez les Canadiens de Artifact Records. Un petit chef-d'œuvre. Hein. Ah ouais, je. Noise Unit. Noise Unit a peut-être pas les deux premiers albums, mais par la suite, c'est peut-être devenu. Comment dire, la corbeille de Frontal Assembly. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais c'est devenu un autre projet vraiment singulier. Et c'est vrai que le retour de Rhys Fulber. Rhys Fulber. Comme quoi, c'est un duo gagnant. Ouais, franchement, jamais déçu avec eux. Écoute, je sais pas si tu as prévu quelques dates. Ouais, oui, j'en ai quelques-unes. Je vais commencer avec le 30 septembre, c'est cette semaine. Il y a les amis de Original Band qui jouent à la pause de Villeneuve d'Ascq. C'est face au stade de foot. L'entrée est gratuite. Je pense que ça commence à 19h. Le 2 octobre, il y a Ante et We Are Hope People au Der Klinker de Harshot. Toujours ce même jour, il y a Implant Human qui font leur release party pour leur nouvel album. Implant, c'est pour l'album Cognitive Dissonance. Et Human, c'est pour l'album Polygon Heart. Ça se passe au Fetish Café de Anvers. 15 balles l'entrée, ça commence à 20h. Toujours le 2 octobre, décidément une date fétiche. Une autre release party, celle de Particules, et celle de The Ultimate Dreamers. Vous savez, c'est le groupe qu'on a passé la semaine dernière, avec notamment Fred Coton. Tout ça, ça se passe au Cali Club de Bruxelles. L'entrée est moins chère, c'est 8€. Et il y a un DJ set. Quelques chopes en plus. Il y a une date. C'est pas dégueu. Il y a une date qu'il faut marteler. Tout à fait. Bah, je commencerai par celle de Galaxy, hein, qui fête ses 40 ans, l'anniversaire de ses 40 ans. Ce sera le 31 octobre. Vous pouvez écouter notamment Stéphane Laroche chaque matin, ou encore Will Turner les après-midi, les soirées, qui relaye tout à fait cette information. Donc, nombre de places limitées. Voilà, il y aura une sacrée liste de DJ qui viendront donc fêter et célébrer les 40 ans de Galaxy. Ça se passera donc à la Blomerie. Mais il y a une autre date également qu'on va vous annoncer. La même date d'ailleurs, le 31 octobre. On a l'honneur d'avoir été sollicité pour participer à une soirée Cold Wave post-punk à l'aéronef de Lille. Et donc voilà, on sera DJ pour cet événement avec entre autres Whispering Sounds, Louisa et également d'autres DJ qui viendront se joindre à cet événement. C'est Cabaret Nocturne. Cabaret Nocturne, voilà. Il y a également encore un autre groupe qui jouera ce soir-là. Mais bon, voilà, en tout cas, on a la joie de pouvoir mixer dans l'enceinte de l'aéronef. Ce n'est pas la première fois et c'est toujours un grand, grand plaisir. Donc voilà, pour Halloween, c'est le choix est difficile. Hein. Le choix est difficile. Voilà. Mais vous avez le choix. Quoique. Voilà, bah écoute, c'est tout pour moi. Ok, bah écoute, oui, c'est vrai que je voulais aussi parler du Hellfest, mais bon, ce sera l'été prochain. Donc on a le temps d'en reparler. Je pense qu'on fera des spéciales dans l'émission d'ici là. Comme Skin Puppy, Nine Inch Nails, Ministry. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hein. Ouais. Sauf que Ministry a dû reporter sa tournée, je sais pas si t'as vu. Ouais. Donc je me demande s'ils vont jouer. Bien, bah écoute, je te propose de retrouver la prog de Sans pleurer sans reproche. Ouais, ce sera Velvet May avec le morceau Vast as Black Night. C'est la plage titulaire de son dernier EP qui sort chez Tears on Wave. Velvet May, c'est un projet solo bien entre dedans par moment. Il habite Berlin, d'où un mélange d'influences énormes provenant de musique s'écoutant dans les clubs. 6 titres bien variés. Et c'est surtout sa toute première production sur le label qu'il a créé, qui s'appelle Tears on Wave. On continuera avec le Canada et le projet Holon, qu'on diffuse régulièrement dans l'émission d'ailleurs, que ce soit Greg ou moi. Il sort l'album Form Dictates Function sur son label Subatomic Audio. On s'écoutera le morceau de Future That Never Came. J'ai envie de dire rien de bien nouveau à l'horizon, mais bon sang, c'est toujours aussi bon. Et on terminera avec Kim Lunner, c'est une sortie Center Records. Ça sera le morceau de Chosen One en Citizen Remix. À l'instant, Kim Leonard, ce sont des Norvégiens qui font de la bonne pop, comme les Allemands font de la très bonne EBM. Kim Leonard s'est accoquiné avec son compatriote Richard Björklund pour ce nouveau single qui s'appelle The Chosen One. On s'est écouté le morceau Citizen X Remix. Ça paraît chez Center Records, juste avant Holon, avec le morceau The Future That Never Came. De l'album, un dispo sur Bandcamp qui s'appelle Form Dictates Function. Et en tout premier, Velvet May avec Vast at Black Night. C'est la plage titulaire de cette EP. C'était bien dandinant tout ça, bien, bien technopop. Hein. Ouais. C'est bien. Allez, bonsoir, Greg. Allez, on poursuit, oui. Alors, de la promo, encore, de la promo reçu notamment par une nouvelle plateforme promo qui sort des trucs vraiment sympas. Ça s'appelle Meta Versus Promo. C'est italien, il me semble. Oui, tout à fait. Et ils nous ont envoyé pas mal de productions. Et là, je vais vous présenter ce soir Edna Fro. Alors, c'est une formation, bien sûr, italienne, dans le genre darkwave, electro, post-punk. Ils sont inspirés directement de Soulwax, Interpol ou Editors, qui ne sont pas des groupes électro, darkwave et post-punk. Mais du coup, imaginez bien le crossover que peut donner Edna Fro. Alors, l'album est vraiment sympa. Je vous ai choisi le titre After Sex, un album qui se partage entre rock, pop et électro, plutôt justement dark wave. C'est pas mal du tout, en tout cas c'est un truc vraiment sympa à découvrir, et c'est le cas grâce à vos serviteurs ce soir. Après Edna Fro, ce sera dans le même genre musical, le groupe Licia. Ils sortent un EP qui s'appelle le Casa Luna, et on s'écoutera le titre Accept. Tout ça, bien sûr, envoyé également par nos amis de Meta Versus Promo. Alors, dans cette séquence, il y aura deux parties. Une partie plutôt post-punk, et une seconde partie plutôt aérienne, voire musique minimaliste, très axée vers la musique un peu lunaire. Avec Andreas David, qui s'acoquine avec le producteur Sven Phalanx. Ils avaient déjà sorti ensemble un album l'année dernière. Ils rééditent l'expérience avec un second album qui s'appelle Psychedelic Trip into Space. Tout est dit dans ce morceau. Chaque titre de l'album a pour thème une planète de notre système solaire. Et j'ai choisi le titre R2, donc la Terre-Mère. Et on terminera avec, dans le même veine musicale, Lunar Orbite. Alors là, c'est du minimaliste formidable. Ce producteur s'appelle en fait LOR, LOR. Ça veut dire LOR, Lunar Orbite, rendez-vous. Et j'ai déjà passé des morceaux de son projet. Là, il vient de faire paraître sur Ransom Nut Records le LP Rendez-vous. On s'écoutera Last Program Run. Vous allez voir, c'est extrêmement planant. C'est vraiment très bon. Ça rappelle aussi Kraftwerk. Allez, c'est parti. Moitié post-punk, moitié... Ouh, on va s'envoler loin dans les cieux. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, Sampleur et Sans Reproche. Toute l'actu Electro-Indus sur l'île. We'll be right back. 50 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, eine wunderschöne blaue Welt. Dieser himmlische Saphir ist unsere Heimat, der dritte Planet der Sonne, der erste mit einem Mond. Die Erde mit ihrem Reichtum an Wasser. In der Atmosphäre als Wasserdampf. Oder als Eis gefroren. Und wo kein Wasser ist, ist Wüste. Aber überall, wo es Wasser gibt, ein Überfluss an Seen. Soweit wir heute wissen, ist die Erde der einzige Planet, auf dem es Leben gibt. Und dieses Leben macht die Erde so einzigartig. Voilà une séquence planante sur la fin, mais au début, c'était plutôt sautillant. Et pour les fans de post-punk, notamment le groupe italien Edna Fro avec After Sex, extrait de My Egoist Bigger Than Yours. Ensuite, c'était Licia, un groupe américain basé dans l'Arizona, à Tempe. Ils sortent un EP sur le label Avant-Garde Music. Le EP s'appelle Casa Luna. Là, on est plutôt dans le shoegaze, assez éthéré, on va dire, avec une forte consonance darkwave. C'était le titre Accept, et également envoyé, tout comme Edna Fro, par la plateforme Meta Versus. Ensuite, on est parti dans des sphères, il faut le dire, assez lointaines, avec Andreas Davids, que vous connaissez, hein. Walter vous passe souvent ses productions, et là, il s'agit d'un deuxième album avec son complice Sven Phalanx. Tout ça, ça sort chez Infected Recordings. C'était le titre R2, donc la Terre, puisque chaque titre de cet album a pour thème une planète du système solaire. Et au-delà même. Cet album s'intitule A Psychedelic Trip into Space. Tout est dit dans le titre, de toute façon. Voilà, c'est ça. C'est un peu la même chose pour l'artiste qui a succédé. C'était Lunar Orbit Rendez-vous. L'or, en abrégé. Son nouvel album s'appelle Rendez-vous. On s'est extrait de celui-ci, Last Program Run. Voilà, c'est vraiment de limite de l'ambiance. Impossible de ne pas penser à Tangerine Dream en écoutant ce genre de musique. C'est la frontière de l'expérimental. Et c'est vraiment très très plaisant. C'est apaisant aussi. Ça fait partie de la musique électronique. Tout à fait. Et bien plus qu'on peut l'imaginer d'ailleurs. Exactement. Voilà, donc c'était une petite séquence décontractante. Maintenant, on va terminer l'émission tout doucement avec une dernière sélection faite par Walter. Bah oui, écoute, on va retrouver Matt Fanal de Clack, mais sur son projet Teddy Bear. Ah bien. Il s'est coquiné avec la française Marie Landau de Grab Your Face pour un 3-titre dance floor bien réussi. Ça s'appelle Science Fiction. C'est la plage titulaire de ce EP. Et j'avais envie de continuer naturellement avec Marie Landau et son projet donc Grab Your Face, avec le morceau Shore de l'album Si. Là aussi c'est un petit voyage, tu vas voir. Écoute, je pense qu'on va se terminer. On va terminer. On va se terminer aussi, mais on va terminer l'émission surtout. Voilà. Sachez que la semaine prochaine, nous ne serons pas en direct. Ouais. Mais vous aurez une belle sélection à écouter. À n'en pas douter. Voilà. Merci de rester fidèle à Sampleur. Merci Wal. Merci Greg. Allez, à bientôt. Allez, à dans 15 jours. Ciao. I don't wanna hurt you again, I'm sorry. I don't wanna do this again, you know me. I'll just go away like I do and pretend. Pretend it's okay, pretend it's the end. Pretend I'm cool with throwing my feelings away. Like I didn't care anyway. Like I told you before, it's better for you, it's fair for you. I don't care what I think, it's the right thing for you. And in time I shall heal, I wasn't right for you. But you made me feel, and every day it hurts just a little bit more. Knowing that sometime soon I'll have to hurt you more. Knowing that sometime soon I'd have to hurt you. Yeah, I can't breathe right now, but what matters to me now is that you're right. And you do it the way that you've always wanted. We both knew I was not what you expected. I was like a dream, your fantasy in black. Yeah, I look it, but I am unrealistic and you know it. So I'm going now, but you know it. I'll keep loving you, keep looking after you, and keep checking. like I didn't want to make this happen. 3 years I tried to believe in your light. You were so fucking bright, you were the lightest thing. I think I envied you in the end. I wanted to be you, but I was miserable. I was me and I was so fucking proud of it. I was fooling myself, thinking I was better. That being the sad fuck I was worth more than your happiness. I probably fucked up, I probably killed it. I just couldn't believe that something like you could have happened to me. That something like you could have happened to me. Yeah, I can't breathe right now, but what matters to me now is that you're alright. And you do it the way that you've always wanted. We both knew I was not what you expected. I was like a dream, your fantasy and luck. Yeah, I love it, but I am unrealistic and you know it. So I'll go away now, but you know it. I'll keep loving you, keep looking after you, and keep checking on you like a ghost from your past. Your fantasy and luck. Your fantasy and luck. So I stand by this shore, and I know it's all gone. I remember standing right here a year ago. You were there by my side, the colors were different. The air was more vibrant, everything was lighter. And now it's like the sky forever shut down on me. You are like the sky, you were better than me. When I kept hurting you, you were smiling at me. And I am like this shore, beautiful and tragic. Sad as shit. And alone. Sure.